Putain. Ah, putain, ça pue la merde. Ah, les mecs, ta gueule. Putain, le cul, là. Ah, merde. Vous savez, j'aime beaucoup la vie, du moment que c'est pas la mienne. Oh, putain, c'est hors de mode. Encore réveillé, je sens mauvais, ça peut se boucher dans les lits. Je me suis bien fait, ça doit en train de dégueuler. Ce matin c'était chaud, il me faut une douche froide pour m'éveiller. Ressuscité. Putain, je suis à jeun, rien dans le début, j'ai tout vomi. Et j'arrive plus à en avaler, faut cavaler. Mon coloc va encore halluciner. Et mes voisins, je les emmerde comme le curé. Quand tu me croises dans la rue, je reviens pas du ciné. Mais donne une quitte, si c'est pas du corps sport, si t'es avec les flics. J'ai mal dans ma peau, dans ma tête, j'ai des gros problèmes. C'est moi qui tiens pas mes stylos, pourtant c'est pas moi qui écris ce poème. J'aime la jouer avec mon gros balder zélé. Au fait que j'ai cours, là faut y aller. J'ai versé le nom de Vénus, la cam m'a paumé. Dans ma pomme, toutes les pommes vont tomber. J'ai assassiné le surmoi, dans mes paroles faut ressortir le ça. Fait que le moi, c'est parti pour une nouvelle journée. J'vais rapper, mes différentes personnalités. Les ailes couronnes, mes stumeurs, j'peux plus me retrouver. Je peux plus me retourner, j'en ai marre de l'aimer. Je pense à elle, plus l'art plastique. Quand je suis bourré, on va continuer à bourrer, à te saouler, à se saouler, à se saouler, à te saouler, à se tuer, à huer, à se ruer. Dans nos ruelles, on va arrêter de voter, se faire entuber par une démocratie pour créer trop organisée. Je n'ai pas immigré, alors qu'est-ce que je fous dans un merdier? Rien, juste un peu tard et comme ma chambre carrément dérangée. J'ouvre grand ma gueule comme une pute. Viens chérie, reste un peu de place dans mon but. C'est forti pour une nouvelle soirée en poil. C'est le nouveau coup d'art que poserai mes marques. Fuck les 36 comme en 36. En Espagne, sous balade, on escalade. J'fais des nœuds coulissants, couler en retardement. À Noël retentissant, une boule dans ta gueule. Retentissant, la folie comme la cam, c'est reste grandissant. Les motos vont nous accompagner jusqu'en dehors de l'usine. De toute façon, de s'épanouir, c'est pas de fuir. J'ai mal aux yeux à force de voir de la merde. Je n'ai plus l'arme, non, je n'ai plus rien à perdre. Reprends même en dèche, de la dèche, on arrive en dèche. Jusqu'au fond de l'Ardèche, 24 heures, pas de whisky. J'ai remangé pour m'entraîner. Les prénoles dans les mains, dans le cœur circulé. Alcool enculé, j'ai rien pour tirer. On a plus de branler, on est fin et pas prêt. On a une armée, trop armée, condamnée à errer, pour gagner, à errer, tout en gagner. J'ai tout lâché, j'ai tout gâché. On veut les haches et stagier, travail acharné. Si elle veut pas moi, c'est qu'elle, je donnerai ma vie à l'anarchie. Ouais. J'vois qu'on est prêt, qu'on est embrouillé. En mélangeant les noms pour te brouiller. T'embrouillard, frère, te brouiller. J'm'en bats les couilles. J'vais t'en mêler, j'vais m'en mêler. Dans la mêlée, alors c'est directeur de direction. En direction, en direction. Le genre va s'abonner, va s'attonner. Tu m'empêcheras pas de te poser, d'oser. Tiens, fuck le zest, fuck le fest. Tu m'empêcheras pas de m'opposer, poser mon flow. Dès que t'as fait le micro, tape dans l'œil. Voler les lois comme ma paix. Que t'as qu'une question posée, notre drapeau se donner. Famille que le mandat, contre la cam, l'alcool et la nar. On va tout effondrer, recommencer. Avant de remonter, ça se va monter. Comme si on était, je garde la société. Oula, ça va pas, ça va commencer comme moi, ça garde. Les déclarations d'amour, sa mère n'arrive pas. Exige une rançon pour le président, son fiston 3 millions. C'est plus facile pour moi. Ha!